Rigaud de Barbezieux, Rigaud de Berbézil, atrici cum per Sabaus. Atrici cum per Sabaus, el temps que vivia, que s'esbaï desgardar, tant quand nous sau demandar, de que servia la lance nil grasaus. Et tieu, sui atretaus, miels et domna, quand vei vostre corps gen, que issamen m'oblit quand vous remir, et vous cuts prejar, et nous fats mai concir. Abundos es gard curaus que en fats l'ulvia, per musol ses retournar el cor ou l'ustein tancar, que s'il plasia, caital fus mus chaptaus del trebaus dels maus, miels et domna, que trac per vous souvent tan greument, mais am per vous mourir, que d'autre aver nul joy, tant vous désir. S'il vostre dur cor fustaus cum la courtesia que us fai d'avinen parlau, leu pugras de mi pensar, cans mauseria que us preges, car lunaus, que mun cor tenien claus, miel de domna, de vus en pensament, tant jausen, que cant en remasir, del dos pensar per l'ira a ples jausir. Si com la stella giurnaus que nun apparia, et vostre ric prez s'espar, et l'oll amorus et clar franc s'esfelnia. Bels cor plasens et gaus, de tutas beutats clar, miels de donna, et de bel estament, qu'em defend lo pensar del marir, son lo potom de l'uniar ni gandir. Vieglia, de sene de laus, juves un joc l'illa, vieglia de prez et d'un ra, juves de bel dumnejar, l'un de fulia, vieglias de fas liaus, juves un juvene saus, miels de domna, vieglien tu bel juven avinena, vieglias es vellesir, et juvas dans et de gen aculir. Miels de domna, en renum en repen, seu aten u jois, que s'avenir, que bon amour gazagnom, abservir.